Les expressions que nous verrons maintenant servent à indiquer où se trouve quelque chose. Si vous voulez dire par exemple que quelque chose est dans ou à l'intérieur de quelque chose d'autre, vous pourrez employer « dentro de ». Donc, si une armoire se dit « un armario », A-R-M-A-R-I-O, et en utilisant « hier » en début de phrase en espagnol, comment diriez-vous ? Je l'ai mis dans l'armoire hier. Ayer lo puse dentro del armario. Ayer lo puse dentro del armario. On peut dire aussi, ayer lo puse en el armario. Poner est un véritable petit monstre au passé sans plongeoir. Donc, n'hésitez pas à revoir vos méthodes débutant et perfectionnement pour garder en vue les irrégularités, comme pousser, hein, ou encore tuve, de tener, et estuve, de estar. Près de se dit cerca de, C-E-R-C-A, plus loin, D-E. Et loin de, lejos de, L-E-J-O-S, et D-E. Donc, comment diriez-vous ? Il vivait près de Barcelone, mais maintenant il habite très loin de Barcelone. Vivía cerca de Barcelona, pero ahora vive muy lejos de Barcelona. Vivía cerca de Barcelona, pero ahora vive muy lejos de Barcelona. Maintenant, si derrière se dit detrás de, detrás, D-E-T-R, à accent aigu S, plus loin, D, D-E, et se cacher, esconderse, E-S-C-O-N-D-E-R-S-E, comment direz-vous? Le chien se cache toujours derrière l'armoire. El perro se esconde siempre detrás del armario. El perro se esconde siempre detrás del armario. Traduisez-moi maintenant. Le chien se cache toujours dans l'armoire. El perro se esconde siempre dentro del armario. El perro se esconde siempre dentro del armario. On aurait pu dire également « El perro se esconde siempre en el armario ». On utilise aussi « dentro de » dans les expressions de temps, comme par exemple « dentro de 10 minutos », dans 10 minutes. Donc, comment direz-vous « Nous arrivons dans 10 minutes ». Llegamos dentro de 10 minutos. Llegamos dentro de 10 minutos. Maintenant, si « devant » se dit delante de, delante, D-E-L-A-N-T-E, plus loin, D, D-E, et église, iglesia, pensez à Julio Iglesias, mais au singulier, comment traduirez-vous « Je vous retrouverai devant l'église dans 10 minutes » Décomposons la phrase. Retrouver se dit « encontrar », E-N-C-O-N-T-R-A-R. Donc, dites à une personne que vous vous voyez « Je vous retrouverai ». Le encontraré. Le encontraré. Devant l'église. N'oubliez pas le petit « de » dans « delante de ». Delante de la iglesia. Delante de la iglesia. Dans 10 minutes. Dentro de 10 minutos. Dentro de 10 minutos. Allez, dites la phrase encore une fois. Je vous retrouverai devant l'église dans 10 minutes. Le encontraré delante de la iglesia dentro de 10 minutos. Le encontraré delante de la iglesia dentro de 10 minutos. Il faut toujours utiliser le petit « de » après « delante » lorsque celui-ci est suivi d'un mot qui le complète. Il en est de même pour « detrás ». On a donc « delante de »,« detrás de ». « Enfrente de », « E-N-F-R-E-N-T-E », plus loin, « de », est un synonyme de « delante de ». Ces deux groupes de mots signifient donc « devant ».« Enfrente de » signifie aussi toutefois « en face de ». Nous verrons un exemple un peu plus loin. Comment diriez-vous maintenant « je te retrouverai » ?« Te encontraré ».« Te encontraré ». Maintenant, si à l'extérieur « de » se dit « fuera de », F-U-E-R-A et « de », traduisez-moi, Je te retrouverai à l'extérieur du cinéma dans 5 minutes. Te encontraré fuera del cine dentro de 5 minutos. Te encontraré fuera del cine dentro de 5 minutos. En face de se dit enfrente de. E-N-F-R-E-N-T-E et D-E. Donc, comment diriez-vous à une personne que vous voyez « Je vous retrouverai en face de l'église »? Le encontraré en frente de la iglesia. Le encontraré en frente de la iglesia.